Vérité d'un passé oublié, tu es parti pour une autre vie. Petit arbre, à la floraison du son, au printemps de l'oiseau, passe l'été et tombe l'automne. Les hirondelles se sont déjà envolées, tandis qu'une colonie de sans-soleil envahit la vigne. La tête dans les nuages, je suis le fruit de mes pensées en marchant. Voici le temps d'un rêve, les nuages s'en vont, le ciel devient bleu, le soleil donne, bim, pam, poum.